Chacun des hommes ici qui passe sous mes ordres me doit 100 scalps. Et je les veux, les scalps. Ça vous tente? Oui, maintenant!